Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Denis Veilleux. Ben, hier, dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on a parlé avec Marc Denis qui est de l'organisation des Saguenay-Chicoutimi. On connaît bien également, puisqu'il est analyste des matchs du Canadien à RDS. Et on a parlé du match du 25 août à Robertval, opposant les Cataractes de Shawinigan aux Saguenay-Chicoutimi. Et évidemment, Marc Denis était très heureux qu'on annonçait que c'était à guichet fermé. Et Marc Denis n'est pas surpris. Et il disait que les gens s'étaient alignés pour ce genre d'affrontement. Évidemment, on ne peut pas deviner l'avenir. Là. Ouais. On espère que tout le monde sera en santé et disponible. Mais Samuel Girard, il sera de notre côté. Yannick Graham a donné l'assurance également que Louis-Philippe Simard de Mastrouillage sera aussi. Alors, on retourne aux sources. Et pour nous, c'est une chose de parler d'une équipe d'une région. C'est une autre de poser des gestes concrets. Et on est très content de pouvoir le faire. On sait très bien que les gens vont accueillir Samuel Girard de belle façon. On sait très bien que les gens seront contents de voir les Sags aussi. Et dans un deuxième temps, ben Marc Denis mentionne qu'il ne peut pas garantir pour le moment que le match sera annuel. Pas exploité. C'est sûr que ça fait partie des possibilités. Aujourd'hui, je ne peux pas vous garantir que ça va devenir une classique annuelle parce qu'il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Évidemment, ça dépend toujours de l'horaire, pré-saison aussi. On se doit de respecter la base des détenteurs de billets de saison et d'avoir au moins deux matchs par année pré-saison au Centre Georges Vézina. Mais quand les astres sont alignés, on n'hésitera pas. Alors, on va voir, on va attendre. On sait déjà que ça va être un succès à Robertval. On va le vivre aussi. Ouais. On va avoir le support de la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. Et on doit aussi avoir le support de l'équipe adverse. Ça, c'est quelque chose qui a été très important pour nous, que les Cataractes de Shawinigan collaborent de cette façon-là. Parce qu'il ne s'agit pas d'un match préparatoire, comme c'est le cas, entre autres, aux Îles-de-la-Madeleine, qui est présenté par la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, mais bel et bien une initiative des Saguenayens de Chicoutimi et du hockey mineur de Robertval. Alors, c'est vraiment notre organisation qui s'est assurée que ce match soit présenté. Et ça, ce serait important, donc, d'avoir la collaboration de l'équipe adverse. Alors, on va s'y pencher sur une base annuelle. On ne ferme certainement pas la porte, mais oui, ça entre en plein dans le genre de valeur qu'on veut véhiculer avec l'équipe des Saguenayens de Chicoutimi. On sait qu'on est supposé nommer un conseil d'administration, un nouveau conseil d'administration qui va s'occuper des travaux des Saguenayens de Chicoutimi. Et Marc Denis a mentionné que pour le moment, le CA n'a pas été nommé. Par contre, semble-t-il qu'on ne sera pas déçu. Le processus n'est pas encore complété. Quand on dit qu'on avait annoncé, il faut dire que les propriétaires de l'équipe, donc la ville de Saguenay, l'ont annoncé. Et nous, clairement, c'est quelque chose qui nous satisfait. On attend que le tout soit complété. Et il y aura des annonces. Je peux vous dire... Écoutez, j'allais être capable de lire entre les lignes. Ouais. Je peux vous dire que vous ne serez pas déçus. Mais je ne peux pas vous donner le nom aujourd'hui. Je ne peux pas faire d'annonce. Les Saguenay de Chicoutimi, notre organisation va faire des annonces très bientôt. On attend que le processus soit complété. Clairement, tout le monde aimerait que ça aille beaucoup plus vite. Ouais. Une chose certaine, c'est que c'est bien enclenché et on va respecter, non seulement on va respecter, on va être fiers de pouvoir présenter les gens qui vont faire partie de notre conférence. On va parler de golf maintenant. Il y avait des matchs qui nous intéressaient, il y avait un golfeur qui nous intéressait. C'est Pierre-Alexandre Bédard qui était au championnat canadien de golf amateur qui se déroule actuellement à Ottawa. Et Pierre-Alexandre Bédard hier a joué 73, ce qui lui donne le 80e rang sur 256 golfeurs. Il devra bien performer aujourd'hui pour éviter la coupure. Maintenant, on va parler de tennis. Il y avait des matchs qui nous intéressaient au parc Rosaire-Gauthier. Ça s'est déroulé en fin de semaine. Et il y avait un tennisman de Dolbeau, Mississippi, qui était en action. C'est Dave Bélanger qui a vaincu Marc-Olivier Blackburn en 2-7. Et le match a pris fin suite à une orage. Et à Chibougamau, Martin Simard, Stéphane Trottier, Dave Bélanger et Marc-Olivier Blackburn ont aussi gagné leur première partie au tennis. Et il y avait récemment au Centre Civique, il y avait un tournoi. Et Dave Bélanger a gagné la classe du A. Et dans la finale consolation, Stéphane Trottier a défait Samuel Bilodeau en 2-7 de 6-3 et 6-4. Maintenant, on va parler de golf, plutôt de soccer. Il y avait des matchs qui nous intéressaient. D'abord, ça s'est déroulé à Saint-Amboise hier. Le 8 de Saint-Amboise a gagné 3-2 sur le FC du Lac-Saint-Jean. Et maintenant, à noter également que le FC de Saint-Félicien a défait le FC Mayakan 8-1 dans un match de la catégorie U12 masculin. Je vous invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Marc Denis des Saguenay de Chicoutimi. Également, je me suis entretenu aussi avec aussi Frédéric Daigle de la presse canadienne qui se trouve actuellement au Brésil aux Jeux olympiques de Rio. Le sport local et régional, adamnazosport.com, on s'en occupe.